During this retreat, Mita retreat, we are going to study Mita Bhavana loving kindness meditation as theoretical aspect and practical aspect, both sides, also for daily life. Au cours de cette retraite méta, nous allons étudier l'amour bienveillant d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique dans votre vie de tous les jours. Vous avez pratiqué cette méditation au cours des jours qui ont précédé, mais également il y en a parmi vous qui l'ont déjà pratiqué chez eux. En fait, vous avez déjà tous pratiqué cette méditation sur l'amour bienveillant d'une façon ou d'une autre au cours de votre vie. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous avez déjà pratiqué Metta. Ne fût-ce que dans votre enfance, dans votre entourage familial, vous avez fait preuve d'amour bienveillant à l'égard de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis, à l'école, au bureau. C'était toutes des occasions de pratiquer cette méditation sur l'amour bienveillant. Maintenant, voyons en quoi consiste vraiment Metta, cet amour universel que nous étudions ici. Pourquoi est-il nécessaire de développer Metta? Nous allons voir tout ceci étape par étape. Donc, on peut comparer Metta à la Lune. La Lune va passer par différentes étapes de progression. Lorsqu'elle sera devenue pleine, tout le monde, tous les êtres vivants vont s'en réjouir, non seulement les humains, mais également les animaux. Dans l'Abhidhamma, le traité de psychologie bouddhiste, metta veut dire sourire. C'est un état d'esprit positif qui est à l'opposé de dosa, la colère, l'anxiété, l'inquiétude, le feu, alors que metta, c'est l'eau. Donc metta veut dire sourire. Ici en Occident, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, on lui dit salut et ce salut s'accompagne d'un sourire. Ceci, c'est donc metta. Si on n'aime pas cette personne, on va peut-être lui dire salut, mais seulement il n'y aura pas de sourire. Il y a deux sortes d'amour, l'amour sexuel, mais il y a l'amour des membres de la famille entre eux, c'est un amour qui est plus pur et qui s'apparente à metta. La vie peut être comparée à un océan qui serait calme, le ciel est bleu, tout va bien. Mais seulement cela ne va pas durer, il est possible que parfois il y ait des typhons, des ouragans et que tout devienne compliqué. La vie, qu'elle soit la vie de famille ou la vie en société, la vie est toujours accompagnée de problèmes. Si on veut que la vie devienne harmonieuse et paisible, il faudra pratiquer metta. C'est très important. Grâce à la pratique de metta, nous pourrons transformer les problèmes en paix, en harmonie. Nous allons transformer le négatif en positif. Si on veut calmer le feu intérieur provoqué par la colère, par la haine, par la jalousie, par toutes ces pollutions mentales, il faudra metta. Metta, c'est le meilleur remède contre ces choses. Metta est comparé à l'eau. Sans eau, aucune vie n'est possible, aucune forme de vie. Que ce soit au sein de la famille, imaginez que la famille soit privée d'eau pendant une semaine, ce serait catastrophique. Non seulement au niveau donc de la famille, au niveau des êtres humains, la présence de l'eau est indispensable dans la nature également. Pour l'agriculture, si l'eau venait à manquer, il y aurait beaucoup de problèmes. La semaine dernière, Bhante a lu une information selon laquelle qu'il y a de la vie ailleurs que sur la terre. Lorsqu'on pratique Metta Bhavana, l'amour bienveillant, on irradie les pensées positives, non seulement pour les êtres vivants sur cette terre, mais également dans l'univers tout entier. Hier, Vintier a entendu que le Vatican avait annoncé qu'il y avait d'autres formes de vie au-delà de notre monde à nous. Il ne s'agit pas ici de critiquer les autres religions, mais les religions théistes, et notamment la religion chrétienne, ont toujours annoncé que Dieu avait créé les êtres vivants, la lune, le soleil, mais ils ne parlent pas de ce qui est au-delà de notre monde à nous, d'autres systèmes solaires. Il ne va pas au-delà. Le Vatican a sans doute été amené à devoir faire certaines corrections à cause des découvertes de la science moderne grâce à des instruments très sophistiqués, ce qui oblige l'Église à se repositionner par rapport à la possibilité de vie au-delà de notre monde à nous. Depuis 2500 ans, les pratiquants bouddhistes rayonnent l'amour bienveillant vers la totalité des êtres vivants dans l'univers tout entier, ce qui veut dire que leur champ d'application de metta ne se limite pas aux êtres qui vivent dans notre monde à nous, mais également aux êtres qui vivent dans les autres mondes. Vous êtes le centre de l'univers et à partir de ce centre, vous allez rayonner des pensées d'amour bienveillant vers la totalité des êtres dans tous les mondes. C'est pour cette raison que dans le bouddhisme, on parle de metta, l'amour universel, l'amour illimité, l'amour qui s'adresse à la totalité des êtres vivants. Les êtres humains et tous les êtres sont faits de corps et d'esprit. Et cette vie est maintenue grâce au sang. S'il n'y avait pas la circulation sanguine, s'il n'y avait pas le sang, aucune forme de vie ne pourrait être maintenue. Pour ce qui est du corps physique, c'est le sang qui va le maintenir en vie. Pour ce qui est de l'esprit, c'est l'amour. Voyez, les personnes qui manquent d'amour pour eux-mêmes sont amenées parfois à se suicider. C'est tout simplement dû à un manque d'amour pour elles-mêmes. Elles se détestent. Mais il y a une autre forme de suicide, c'est le fait de prendre trop plaisir à certaines choses. Imaginons par exemple quelqu'un qui serait accro à la cigarette. Il n'arrive pas à arrêter cette cigarette. Cela veut dire qu'il n'a pas suffisamment d'amour pour lui-même parce que abuser de ces choses pourrait endommager sa vie. Le Bouddha recommande de prendre soin de la vie, de ne pas la gâcher. La vie est quelque chose de très précieux, non seulement pour vous-même, mais également pour votre famille, pour votre pays. Et si vous la dédiez à l'ensemble des êtres vivants, vous serez un bodhisattva, quelqu'un qui vit uniquement pour les autres. Souvenez-vous, s'il n'y a pas de sang, il n'y aura pas de vie au niveau du corps physique. S'il n'y a pas d'amour, de metta, il n'y aura pas de vie au niveau de l'esprit. Bhante parle de la mère qui va donner son lait à son bébé. Et d'où vient ce lait maternel? Des analyses scientifiques ont prouvé que ce lait maternel est fabriqué par le corps à partir de divers éléments, dont le sang. Comment se fait-il que cette transformation puisse avoir lieu? Selon le Bouddha, c'est l'amour maternel, metta, qui est à l'origine de ce processus. Et c'est la même chose pour la semence. Elle est également fabriquée à partir de divers éléments, dont le sang. Donc le phénomène est le même, que ce soit au niveau du lait maternel qu'au niveau de la semence. Okay. À cause de cet ego, nous aurons toutes sortes de problèmes dans la vie. Cet ego et ces problèmes qu'il amène, c'est comme le feu. Nous devons donc utiliser l'eau de metta pour apaiser tout cela et trouver la paix et l'harmonie. Si nous prenons l'habitude de pratiquer metta, nous pourrons constater que notre vie devient plus harmonieuse, nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, vont également devenir plus paisibles. Metta est comparé à l'eau, et l'eau a deux qualités. Ceci est prouvé scientifiquement. La première, c'est la fluidité, la deuxième, c'est la cohésion. La deuxième qualité, donc la cohésion, c'est le fait de pouvoir coopérer, de rester ensemble. Donc parfois, il arrive dans la société que des familles se disloquent, des personnes qui ont vécu ensemble pendant un certain temps décident de divorcer et donc l'amour qu'elles éprouvaient l'une pour l'autre au départ se transforme petit à petit en haine et en beaucoup de violence. Tout ceci est dû au fait qu'il n'y a pas metta, l'amour bienveillant. Le Bouddha nous recommande de pratiquer metta et de faire preuve de metta dans le contexte familial. Il recommande de venir en aide à sa famille, à ses enfants, de prendre soin de ses parents. Tout cela, c'est donc la qualité de cohésion qu'il faut essayer d'introduire en soi. Si on met en application ces recommandations du Bouddha, on pourra vivre heureux et en paix. Si nous réussissons à introduire en nous la paix et l'harmonie, nous pourrons en faire bénéficier notre famille et notre entourage immédiat. Les relations avec les autres vont également devenir plus harmonieuses. Mais actuellement, on constate que dans la société, il y a énormément de violence, énormément de problèmes. On peut voir que partout dans le monde, les gens se tuent. Ils nuisent aux familles, ils nuisent à la société dans son ensemble. Pourquoi tout cela se produit-il? Pourquoi toutes ces destructions? C'est parce qu'il n'y a pas metta. Si nous voulons que la société soit en paix et harmonieuse, il faut introduire metta. Metta, c'est comme l'eau. Il faut introduire la pluie de metta dans la société. Par la pratique de metta, on va pouvoir introduire en soi la paix. On va pouvoir également introduire la paix dans sa propre famille et enfin dans la société tout entière. Le plus important, c'est d'introduire la paix en soi. Une fois qu'on aura réussi à devenir paisible, on pourra transférer cette paix et cette harmonie à son entourage immédiat d'abord, à sa famille et ensuite à l'univers tout entier. Voyons maintenant le texte dans le livret à la page 17. Puisse-je être libre de l'inimitié et du danger? Puisse-je être libre de la souffrance mentale? Puisse-je être libre de la souffrance physique? Puisse-je être heureux et en bonne santé? Lorsqu'on répète ces paroles, on prend une douche mentale, on va se nettoyer l'esprit de toutes les pollutions. On répète ces paroles lentement en se pénétrant de la signification des mots et en le faisant de façon intentionnelle. On prend son temps et on se débarrasse de toutes sortes de choses négatives qui pourraient se trouver en soi. De cette façon, on va se nettoyer l'esprit, on va se calmer et on va introduire la paix en soi. Lorsque vous prenez donc cette douche de metta, vous allez vous nettoyer l'esprit, vous allez le calmer, vous allez le pacifier, et tout ceci va devenir une espèce de cadeau que vous allez faire aux autres. Lorsqu'on se rend chez des amis, on se douche, on met des vêtements agréables, on achète un cadeau pour en faire don à ses amis. Ici, c'est la même chose, vous allez vous nettoyer l'esprit, vous allez essayer d'introduire en vous la paix et l'harmonie, présent que vous allez offrir à votre entourage immédiat et à l'univers tout entier. On commence par s'envoyer des pensées bienveillantes à soi-même, et cette paix qu'on va petit à petit introduire en soi va pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, être offerte aux autres. Il y avait à Birmingham un garçon d'une vingtaine d'années qui avait un jour dit que les bouddhistes étaient très égoïstes parce qu'ils commençaient toujours par s'envoyer des pensées bienveillantes à eux-mêmes. Bhante lui a expliqué que, en fait, les bouddhistes ne sont pas égoïstes, tout simplement parce que, avant de pouvoir offrir quelque chose aux autres, il faut avoir quelque chose à offrir. Et donc, on commence par soi-même pour introduire en soi la paix et l'harmonie que, dans un deuxième temps, on va pouvoir offrir aux autres. Donc, l'étude de metta, de la pratique de metta, va prendre beaucoup de temps. Nous avons mis une heure pour expliquer le premier paragraphe. Nous allons continuer cet enseignement au cours de la semaine qui vient. Une semaine, c'est cependant encore très court pour étudier tout cela, mais nous allons essayer d'y arriver. Metta, as a theory, I explain a lot. Even one for one line introduction, it may take time at least 1 month, okay? Now 1 week is very short. You already applying this metta, universal light, here and there, means meditation time as well in your daily life. For applying metta, universal light, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Sadhu, sadhu, sadhu.